Merci Arjuna. Aujourd'hui, de notre côté, on évoque une dernière fois cette semaine l'écrivain Jules Barbet d'Aurevilly. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Barbet était un vrai, un grand, un parfait dandy, cherchant toujours à épater son monde et y arrivant fréquemment, tout en frisant aussi, parfois, le ridicule, le sachant d'ailleurs et l'acceptant, car il était capable de se moquer de lui-même. Ses livres, en tous les cas, sont de purs chefs-d'œuvre et une mine d'or pour le psychanalyste. C'est d'ailleurs un psychanalyste, Patrick Avrahan, qui est venu lundi nous parler de la vie de Jules Barbet d'Aurevilly, mort à l'âge de 80 ans en 1889. Mardi, avec Pierre Glaude, nous avons notamment resitué Barbet dans sa filiation avec Joseph de Maistre. Nous avons également évoqué les grandes thématiques permettant de mieux saisir son œuvre. Tandis qu'hier, Philippe Berthier nous a parlé du recueil de nouvelles Les Diaboliques, ainsi que de sa correspondance avec son fidèle ami Trébucien. Et aujourd'hui, pour notre quatrième et dernier épisode, nous sommes avec l'historienne, directrice d'études à l'EHESS, Judith Lioncamp. Elle a dirigé aux éditions Gallimard l'édition de l'intégrale des romans de Jules Barbet d'Aurevilly, c'était en 2013. Et nous allons parler avec elle de l'essai qu'elle vient de publier, toujours chez Gallimard, intitulé « La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature ». Un essai rédigé à partir d'une nouvelle de Barbet d'Aurevilly, « La vengeance d'une femme », nouvelle dont voici pour commencer un premier extrait qui présente le personnage de Tressigny, lequel vient de croiser dans les rues de Paris une prostituée. Tressigny avait plus de 30 ans. Il avait vécu cette niaise première jeunesse qui fait de l'homme le jocrise de ses sensations et pour qui la première venue qui passe est un magnétisme. Il n'en était plus là. C'était un libertin déjà froidi et très compliqué de cette époque positive. Un libertin fortement intellectualisé, qui avait assez réfléchi sur ses sensations pour ne plus pouvoir en être dupe, et qui n'avait peur ni horreur d'aucune. Ce qu'il venait de voir, ou ce qu'il avait cru voir, lui avait inspiré la curiosité qui veut aller au fond d'une sensation nouvelle. Il avait donc quitté sa balustrade et suivi, très résolu à pousser à fin la très vulgaire aventure qu'il entrevoyait. Pour lui, en effet, cette femme qui s'en allait devant lui, déferlant onduleusement comme une vague, n'était qu'une fille du plus bas étage. Mais elle était d'une telle beauté qu'on pouvait s'étonner que cette beauté ne l'eût pas classée plus haut, et qu'elle n'eût pas trouvé un amateur qui l'eût sauvée de l'abjection de la rue, car à Paris, lorsque Dieu y plante une jolie femme, le diable en réplique y plante immédiatement un sceau pour l'entretenir. Une lecture par Vanda Bénès. Bonjour Judith Lioncamp. Bonjour. Alors avant d'entrer dans la thèse que vous défendez dans votre livre, disons peut-être un mot de cette nouvelle. La vengeance d'une femme, elle est nimbée d'une atmosphère rouge sang, couleur de la maladie, de la prostitution, du diable, de la vengeance. Quelles images évoquent cette nouvelle quand vous y repensez ? Avec une touche de jaune, le rouge, quand même. Quel jaune? Le jaune de quoi? Le jaune de la robe de la femme, puisque, donc, l'extrait qu'on vient d'entendre, le promeneur, donc, qui est accoudé à la balustrade du café Tortoni, qui existait sur le boulevard au coin de la rue Taitbout, est accroché d'abord par une touche de couleur, qui est cette robe jaune safran au ton d'or, qui lui accroche l'œil. Qui rappelle l'Espagne, peut-être? Et qui d'abord lui fait penser à un tableau du Tintoret, à une reine de Saba du Tintoret. Puisque ce libertin très froidi et très compliqué est un esthète. Et donc là, le désir va venir chez lui par une série d'images qui sont des images d'art. Alors, cette nouvelle, quand on l'entend comme ça, c'est une nouvelle qui qui a effectivement la dimension diabolique que toutes les autres nouvelles du recueil ont également, dans la mesure où cette femme est une diabolique, puisque elle se révèle progressivement, non pas du tout une fille du plus bas étage, mais une fille de la plus haute extraction, puisque c'est une duchesse espagnole, grande d'Espagne, et qui est venue se venger de son mari, qui a fait assassiner l'homme qu'elle aimait chastement. Elle est venue se venger. Assassiner donc, très cruellement. Cruellement, avec une cruauté sans nom d'ailleurs. Mais c'est pas ça la dimension diabolique de l'histoire. La dimension véritablement diabolique, c'est qu'elle décide de s'outrager et d'outrager le nom qu'elle porte, d'outrager sa noblesse dans la prostitution et de le faire sans regret. Donc c'est l'absence de repentir dans le mal qui fait d'elle une diabolique. Donc pour cela, pour se venger, elle devient une prostituée à Paris et elle cherche à en mourir de la manière la plus humiliante pour son mari par une maladie vénérienne dans la dégradation ultime, c'est-à-dire carrier jusqu'à l'os, nous dit Jules Barbet d'Aurevilly. Alors la vengeance d'une femme, c'est un fantasme d'un homme qui est donc subjugué par une prostituée qui passe et qui va donc la suivre. Et donc il la suit dans un passage, au fond d'un passage qui donne sur le boulevard, il la suit, il monte dans son appartement et l'appartement est déjà un lieu qui n'est plus tout à fait réel puisque passer la porte, c'est un décor fantastique qui se donne aux yeux du client, puisqu'il est désormais un client. Avec des objets décrits. Des objets, des glaces. Alors, des glaces au plafond, mais ça n'est pas très original pour un appartement de prostituée. En tout cas, c'est ce que Barbet écrit. Mais il y a là quelque chose d'une magnificence qui n'a rien à faire dans un appartement de fille. Et il y a donc une rencontre sensuelle, sexuelle, très intense, qui étonne d'ailleurs le libertin très froidi, qui pense qu'il a tout connu en matière de femme. Et celle-ci l'étonne par son ardeur. Et il se rend compte, donc, dans le moment du plaisir, qu'elle fixe un portrait d'homme sur un médaillon. Donc, il est vexé, puisqu'il se rend compte qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, la scène sexuelle s'arrête et il exige d'elle un récit, qui est donc la deuxième partie de la nouvelle, où elle lui explique donc que l'homme qu'elle fixe avec rage sur le médaillon, c'est le portrait non pas de son amant, mais de son mari, dont elle se venge à chaque fois qu'elle se donne à un homme pour quelques sous, puisqu'elle tient à n'être payée que comme une fille de peu. Et elle attend que ça se sache et que la rumeur retourne en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que Paris, le trottoir parisien, c'est le centre de l'univers et donc le cœur de la publicité, au sens de rendre les choses publiques, et que donc tout partira. Mais tout ça est évidemment complètement fantastique, c'est-à-dire que de toute façon, le monde espagnol auquel elle appartient et dont elle vient n'appartient pas exactement à la même temporalité que le Paris dans lequel elle exerce. Donc il y a quelque chose d'un peu, effectivement, qui n'a aucune réalité dans cette histoire. Mais cette idée qu'on va aller divulguer sur le trottoir parisien la honte de l'histoire familiale espagnole. Donc c'est un personnage qui vous fait penser d'abord au texte de Marguerite Yourcenar dans Feu, à propos de la Phèdre de Racine, où on lit « Elle quitte son pays comme on renonce à ses rêves, elle renie sa famille comme on brocante ses souvenirs, son destin, vu du dehors, lui fait horreur. » J'ai pensé à ça en la lisant. Alors on peut penser à toutes sortes de choses. C'est le propre d'un texte littéraire de ce genre, d'ailleurs, de susciter des associations. Et puis très vite, j'ai aussi pensé à un personnage qui est, disons, qui a contextuellement plus de rapport, évidemment, qu'avec la Phèdre de Racine relue par Marguerite Yourcenar au XXe siècle, qui est la fille aux yeux d'or de Balzac. Il y a même intertextualité. Il y a une dimension de réécriture de la fille aux yeux d'or dans cette nouvelle, puisque la fille aux yeux d'or met face à face un dandy tout aussi blasé et froidi que le Tressigny de la nouvelle, qui est Henri de Marsay. et qui est fasciné par une femme qui, elle, n'a pas une robe safran au ton d'or, mais des yeux d'or, et qui est tout aussi espagnole que cette duchesse, Paquita Valdés, avec laquelle il connaît également une histoire sensuelle torride, et qui pense également à quelqu'un d'autre pendant qu'elle a une aventure sensuelle avec lui, mais qui n'est pas un homme, mais une femme, mais qui est aussi la sœur de cet homme. Donc mais c'est un hommage à Balzac. Il y a quelque chose. Alors, Barbet n'en dit rien, évidemment, donc c'est difficile de statuer sur les intentions. On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a une présence, et c'est vrai que cette présence m'a donné à réfléchir. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on vient de raconter cette nouvelle littérairement, hein, Judith Lioncamp, mais vous entendez faire une lecture proprement historienne de ce texte de Jules Barbet d'Aurivilly, parce que ce qui vous intéresse d'abord, c'est ce que la littérature peut apporter à l'histoire. C'est en tout cas autour de cette idée que tourne votre essai. Vous partez donc de la nouvelle pour vous interroger sur la manière dont l'historien peut retrouver dans la littérature quelque chose qui peut informer son travail. Est-ce que c'est cela la griffe du temps, le titre de votre essai, cet indice parmi d'autres indices qui permettrait à l'historien de reconstituer d'une manière plus fine, plus sensible, le passé ? En fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'échapper à ce que les historiens font souvent quand ils s'intéressent à des textes littéraires, qui est d'aller chercher des informations de type documentaire sur le passé sur lequel ils travaillent. Et donc, l'opération, si on s'intéressait par exemple à la vengeance d'une femme dans cette perspective, serait d'aller chercher des informations qu'on pourrait confronter à d'autres informations sur le 19e siècle qu'on pourrait connaître, par exemple sur la prostitution. Donc s'en servir comme voilà, d'un document. Comme d'un document. Alors j'ai évidemment, cette opération, ce type de lecture documentaire, elle a pour effet que tout ce qui fait littérature, pour nous, donc tout ce qui participe de l'expérience de la lecture littéraire, qui a elle-même une histoire, échappe, enfin n'est pas là, est laissé de côté, ce que j'avais appelé un reste dans cette perspective. Considéré comme n'étant pas scientifique et comme donc pas valide pour l'historien. Ne relevant pas de l'analyse historique. Voilà. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à ce que ce reste pouvait dire à l'historien. Donc, tout ce qui fait littérature et qui, lui-même, en tant qu'il fait littérature, a culturellement, disons, une histoire. Alors, ce que j'ai appelé des griffes du temps, c'est cette présence, en fait, dans l'écriture littéraire elle-même, de traces indirectes de ce qu'avait été, par exemple, ici, l'expérience de la grande ville au XIXe siècle. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'un savoir documentaire qui est déposé à l'intérieur de l'écriture littéraire et que l'historien pourrait aller reconnaître, mais au contraire de travailler le texte littéraire en tant que tel pour y trouver des marqueurs d'une expérience qui était à la fois une expérience vécue et une expérience d'écriture de ce vécu. Voilà. Donc, par exemple, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, ce dandy qui regarde donc les femmes passer à la balustrade de Tortoni. Bon, on pourrait faire une première lecture qui serait une lecture documentaire. De fait, Tortoni a existé, la balustrade même a existé. Donc on a là quelque chose qui pourrait intéresser de manière assez ténue d'ailleurs l'historien. Mais il y a autre chose qui est le type de regard de Tressigny, qui est un regard de flâneur. Et là, on est déjà dans une marque d'une forme d'expérience de la ville qui a été inventée dans les années 1830 et 1840 par Balzac et par d'autres. Cette écriture de la flânerie, qui est un savoir de la ville, un savoir sur la ville, un savoir écrire la ville aussi, un savoir de la lisibilité urbaine. Et là, le texte qui est écrit bien après la période balzacienne, puisque La vengeance d'une femme est écrite au début des années 1870, porte la marque de cette expérience urbaine et de cette textualisation de l'expérience urbaine. Et ça, c'est une griffe du temps. On en prendra des exemples en écoutant quelques lectures. Ça signifie quand même, Judith Lioncamp, qu'il faut aussi que vous vous interrogiez sur Jules Barbey d'Aurevilly lui-même et sur son projet ou non de mettre dans ses textes quelque chose qui relève de sa propre modernité. Comment avez-vous procédé finalement pour décider que cet écrivain-là faisait entrer sa contemporanéité dans ses textes de fiction ? Ce qui est très frappant dans La vengeance d'une femme, c'est la densité qui est assez rare en fait chez Barbey de ce qu'on peut appeler des déictiques temporelles, c'est-à-dire cette obsession de dire ceci n'existe plus. Je vous décris la ville d'alors, donc il y a quelque chose d'une mémoire en fait dans ce texte. D'une nostalgie. Pas forcément d'une nostalgie, mais d'une mémoire d'une ville qui est celle donc vers la fin du règne de Louis-Philippe, donc de la ville de la fin des années 1840, qui est la ville balsacienne aussi, mais pas seulement, et qui est la ville de jeunesse de Barbey d'Aurevilly. Donc, ce qui m'a accroché, si on peut dire, ce sont ces marqueurs mémoriels et cette dimension mémorielle dans un roman qui, par ailleurs, on l'a entendu, n'a absolument rien, ni d'un roman autobiographique, ni d'un roman réaliste, donc qui a cette dimension à la fois fantasmatique et fantastique. Mais c'est cette intensité mémorielle qui m'a intéressée et qui m'a conduite à traiter cette nouvelle comme un objet dont je pouvais me faire une sorte d'archéologue. Vous auriez pu choisir d'autres nouvelles de Barbey d'Aurevilly ? Ben, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment celle-là qui a été le point de départ de ma réflexion. Donc on peut toujours prétendre le contraire, mais... C'est pas qu'elle est plus chargée, finalement, en griffe du temps que les autres. Elle est très différente des autres diaboliques dans la mesure où c'est une écriture parisienne. Et il n'y a pas beaucoup d'écriture parisienne chez Barbey, à part dans des textes de sa jeunesse relativement, en particulier dans Une vieille maîtresse. Et donc c'est une de ces textes où son expérience directe, son expérience vécue probablement est la plus présente. Mais j'ai pas voulu statuer sur cette dimension expérientielle ou autobiographique. C'est vrai qu'on entend bien Paris dans cette nouvelle, et notamment ce moment qui intéresse probablement particulièrement l'historien dans cette nouvelle, le moment où Tressigny suit dans les rues de Paris donc la prostituée jusque chez elle. On l'écoute. Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rue basse du rempart, qui dans ce temps-là méritait bien son nom de la rue basse, car elle était moins élevée que le sol du boulevard, et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par deux escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela de deux escaliers. Cette excavation, qui n'existe plus et qui se prolongeait de la rue de la Chaussée-d'Antin à la rue Caumartin, devant laquelle le terrain reprenait son niveau, cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour, était fort mal hantée quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Au centre, à peu près de cette excavation, bordée d'un côté par le boulevard formant terrasse et de l'autre par de grandes maisons silencieuses à portes cochères et quelques magasins de bric-à-brac, il y avait un passage étroit et non couvert où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte et qui conduisait le long d'un mur et des maisons en construction jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée sans hésitation et sans embarras dans la suspecte noirceur de ce passage. Des auteurs sur France Culture avec cet extrait lu par Vanda Bénès, une description très précise, finalement, Judith Lioncan, de la géographie de Paris. Même chose, est-ce qu'on est là en présence d'un document qui nous renseigne aussi sur l'histoire des lieux de la prostitution à cette époque. Est-ce qu'on est aussi là dans une manière très 19e de raconter et de vivre Paris? Quels sont les signes des temps? J'ai envie de reprendre cette expression qui est aussi le nom d'une émission sur France Culture. Quels sont les signes des temps que l'on peut lire dans cet extrait? Alors, d'abord, en effet, c'est une description qui est d'une exactitude topographique très surprenante. Et à vrai dire, lors de mes premières lectures, je ne m'en étais pas doutée, parce qu'on est un peu embrumé, si je puis dire, par cette écriture-là, qui n'est pas une écriture réaliste. Donc, on est pris par cette dimension, le diable et le prince des ténèbres, etc. Et quand je l'ai relu, quand j'ai commencé à travailler sur cette nouvelle, j'ai pris une carte, enfin un plan de Paris, à la fin du règne de Louis-Philippe, et puis un plan très très précis, et je me suis rendu compte que le passage qu'au départ je pensais être un passage tout à fait inventé, probable, disons possible, comme souvent dans la littérature, mais inventé, était en réalité topographiquement une réalité. Et donc, voilà. Ce qui est contre-intuitif quand on sait que, par exemple, Barbey d'Aurevilly détestait Zola, voilà. Et détestait aller sur le terrain donc, pour voir ce qui se passait. Chez Barbey, il y a, je crois, cette écriture qui va tout à fait au-delà de la description exacte, mais en même temps, comme justement il l'écrit dans les lettres à Trébucien à propos de la Normandie, il y a quelque chose chez lui qui fait que c'est un écrivain fou de fidélité. C'est un terme qu'il utilise lorsqu'il écrit L'Ensorcelé. Je suis fou de fidélité. Et il y a une folie de fidélité là à la topographie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas le geste de dire à son lecteur « Je vais vous décrire un état de la ville qui a disparu ». Mais il inscrit dans l'écriture cet état de la ville qui a disparu, c'est-à-dire la rue basse du rempart en contrebas du nord du boulevard des Italiens. Qui a effectivement disparu au moment où il écrit la nouvelle en 1870-71 parce qu'elle a été effacée par les travaux de la place de l'Opéra. Et le passage, passage Cendrier... La nouvelle est censée se passer dans les années 48. Quoi. Alors la nouvelle se passe quelque part dans les années, à la fin des années 40. Elle est écrite dans les années 70. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est que le début des travaux de l'haussmannisation, la première chose qu'a fait l'haussmannisation, presque, c'est les travaux de la place de l'Opéra qui ont donc effacé cette rue basse du rempart, et particulièrement ce passage qui existait et qui est le passage Cendrier. Et donc j'ai fait un travail d'historienne classique, disons, qui a consisté à reconstituer dans un des chapitres du livre l'ensemble des activités de ce qu'on savait sur cette rue basse et sur le passage, ce qui donne au texte effectivement une densité référentielle qu'on ne lui trouve pas à la première lecture. Mais comment l'historien peut-il l'utiliser dans ses travaux, si ce n'est pour comprendre de manière intuitive d'autres faits qui seraient davantage scientifiques, prouvés? Comment peut-on, quand on est historien, utiliser ce que vous expliquez là? Ce qui est intéressant, c'est que le roman, la littérature, enfin ce roman-là, cette pièce de littérature, devient une sorte de tombeau d'un état de la ville qui a disparu. Et ça m'intéresse comme historienne, parce qu'on n'a pas de documents sur ce passage. Enfin, on a les documents qu'on a sur n'importe quel morceau de Paris au XIXe siècle, donc qui sont des documents commerciaux, administratifs, topographiques. Mais on n'a pas de mémoire de ce morceau de la ville. C'est la sensibilité qui échappe. Et une mémoire, disons, une mémoire topographique, la mémoire qu'on a sous ses pieds quand on a traversé une ville 250 fois et qui reste là. Et Barbey, qui n'est pas du tout un écrivain de la déploration, de la disparition du vieux Paris, comme il y en a beaucoup dans les années 60-70, fait cette chose qui est d'inscrire un état de la ville à l'intérieur du roman. Et ça, disons, ça m'intéresse comme historienne du littéraire, c'est-à-dire de ce que le fait littéraire est capable de transmettre alors même qu'il ne le documente pas. Mais est-ce que vous pouvez l'insérer dans un article, dans une recherche ? je pourrais insérer dans une recherche, bon, d'une part, tout ce qu'on peut savoir sur le passage Cendrier, mais le fait que l'écriture littéraire a à un moment donné pris en charge la mémoire de ce morceau de Paris, oui, ça intéresse les historiens. Jusque-là, en suivant cette femme, il n'avait obéi qu'à une irrésistible curiosité et à une fantaisie sans noblesse. Mais quand celle qui les avait si vite inspirés sortit du cabinet de toilette, où elle était allée se défaire de tous ses caparaçons du soir, et qu'elle revint vers lui, dans le costume, qui n'en était pas un, de gladiatrice qui va combattre, il fut littéralement foudroyé d'une beauté que son œil exerçait, cet œil de sculpteur qu'ont les hommes à femmes, n'avait pas au boulevard deviné tout entière à travers les souffles révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup au lieu d'elle par cette porte ne l'aurait pas mieux foudroyée. Elle n'était pas entièrement nue, mais c'était pis. Elle était bien plus indécente, bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Alors vous consacrez un chapitre de votre essai, Judith Loncamp, à cette statuette qu'on vient d'entendre décrite ici dans une lecture de Vanda Bénès, statuette que le narrateur considère comme obscène et qui vous permet d'interroger justement ce qu'on trouvait obscène à l'époque de Barbet d'Aurevilly, ou plutôt à l'époque de la fin de la monarchie de Juillet, où est donc située cette nouvelle. Il faut que je fasse un petit raccord, parce que les auditeurs viennent d'entendre un début de description. Donc la femme sort de son cabinet, du cabinet de toilette. Elle est donc plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Là, il y a une description de son accoutrement, qui d'ailleurs n'est pas le même dans le manuscrit et dans la version imprimée de la Diabolique en 1874. Et à la fin de cette description, le narrateur, dans un cas, le personnage dans l'autre, pense à une statuette qu'il a aperçue, exposée chez presque tous les marchands de bronze de Paris. On dit que c'est quelque chose qui se trouve dans toutes les vitrines. Voilà, une statuette arrangée ainsi, sur le socle de laquelle on ne lisait que ce nom mystérieux, Madame Husson. Mm-hmm. En fait, Madame Husson a été un peu le point de départ de mon enquête, parce que de cette Madame Husson, le personnage ou le narrateur se dit qu'elle lui donne, elle lui a donné, elle lui aurait donné, elle aurait provoqué chez lui un dangereux rêve obscène. Et là, l'historienne que je suis, qui a quand même beaucoup travaillé sur ces années-là, en lisant la nouvelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un rêve obscène à cette époque-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut culturellement situer un rêve, alors le rêve obscène, je veux dire, chacun a ses rêves obscènes, mais il y a des rêves obscènes, il y a un collectif du rêve obscène, et puis il y a un historique du rêve obscène. Donc, qu'est-ce qu'on peut situer de ce rêve obscène en 1840, sachant que si elle était dans la vitrine de tous les marchands de bronze, cette statuette Madame Husson, elle était décente. Sinon, elle aurait été interdite, puisque le code pénal de 1810, donc prohiber la diffusion d'objets qui auraient pu être outrager la morale publique. Donc du coup, vous êtes allé chercher les images obscènes de l'époque. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un rêve obscène? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un rêve obscène? Qu'est-ce qui peut susciter chez un promeneur de 1840 un rêve obscène? Et d'ailleurs, qu'est-ce que je sais sur ces statuettes de bronze qui auraient pu susciter des rêves obscènes? Et donc là, s'engage effectivement peut-être ce qui est le plus spécifique de ce livre, c'est-à-dire de partir d'une statuette de fiction, que je tiens pour une statuette de fiction, je ne cherche pas. On n'a pas pu retrouver. Il n'y a pas de Madame Husson. Statuette qui ressemblerait à celle de Madame Husson. C'est une statuette de fiction. Elle est donnée à lire comme une statuette de fiction. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de la ramener à un document à toute force. En revanche, de reconstituer les possibles à partir de desquelles on peut inventer une statuette de fiction qui s'appellerait Madame Husson, ça, c'est une enquête pour historiens. Et donc, j'ai commencé à travailler à la fois sur effectivement les contours de l'obscénité dans les années 1840 et sur l'industrie donc de ces petites statuettes de bronze qui se développent avec fureur d'ailleurs dans ces années 40, puisque c'est le moment où on met en place toute une série donc de procédés de reproduction mécanique des œuvres d'art qui sont d'un côté la lithographie pour les images plates qui date donc plutôt des années 1820 et puis des procédés qui sont d'ailleurs brevetés par un certain nombre de fabricants de bronze qui vont permettre de faire des petites statuettes comme on achète aujourd'hui dans n'importe quel musée lorsqu'on a visité un département d'antiquité. Et c'est ce que Barbet raconte, Barbet qui est une plaque photosensible évidemment de son époque, qui est passé devant des vitrines où il n'y avait certainement pas Madame Husson, mais peut-être davantage les livres, les lithographies dont vous parlez à l'instant. Qui n'étaient pas plus dans les vitrines, mais qui étaient dans les arrière-boutiques. Donc j'ai essayé de réfléchir au rapport entre les boutiques et les vitrines et les arrière-boutiques, entre les statues décentes et les statues indécentes, les images décentes et les images indécentes. Et alors en cherchant, finalement, j'ai effectivement fini par trouver toute une industrie de second rayon, à la fois d'images et de statuettes, qui effectivement pouvait faire qu'en voyant une statuette décente, on pouvait avoir un rêve obscène. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Judith Lioncan, à travers la nouvelle La vengeance d'une femme de Jules Barbet d'Aurevilly. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique du jeudi. Elle vous est proposée aujourd'hui par Jean-Louis Janel. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jean-Louis Janel, professeur de littérature à l'université de Rouen, également critique littéraire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous demandez ce qu'on peut tirer d'un roman de Barbet d'Aurevilly au-delà de l'emportement romanesque qu'il procure. Qu'est-ce que ce réactionnaire de génie peut au fond nous dire qui puisse aujourd'hui nous toucher, Jean-Louis ? Tout à fait. Supposons que je choisisse de ne pas bouder mon plaisir, de me laisser emporter par ma lecture de L'Ensorcelé. Voilà, c'est le texte que vous avez choisi. C'est celui-ci de 1854 qui compte l'amour impossible et tragique de Jeanne Le Hardouët pour l'abbé de la Croix-Jugan. Celle-ci, donc Jeanne, née mademoiselle de Feu Ardent, mais contrainte d'épouser un roturier qui plus est acquéreur de biens nationaux, se consume en vain pour le prêtre que l'effondrement de la chouannerie avait poussé à se suicider d'un coup de fusil en plein visage, mais qui avait survécu, mais bien sûr à jamais ravagé par ses blessures et par sa faute aux yeux de l'Église. Indifférent à tout ce qui ne concerne pas la cause contre-révolutionnaire, ce prêtre sera assassiné en pleine élévation de l'hostie, le soir de Pâques où il célébrait la messe et sa réintégration après trois années de pénitence. Alors quelle histoire plus frénétique que ce roman qui progresse de portraits expressionnistes en scènes hallucinées jusqu'à cette messe tragique dont l'officiant, sorte d'archange révolté et défiguré, plus que serviteur de Dieu, meurt d'une balle en plein front au moment même où s'accomplit la transsubstantiation, lors de la communion. Comment puis-je lire un tel roman ? Si je décide de laisser de côté la rancœur idéologique qui est continuellement ressassée par Barbet d'Aurevilly, je peux, ainsi que le narrateur de Proust l'explique d'ailleurs à son ami Albertine dans La Prisonnière, je peux m'attacher aux images les plus puissantes du récit, en particulier cette fameuse rougeur physiologique qui monte au visage des personnages, comme la face de l'abbé, où les balles rayonnantes ont intaillé, c'est la formule de Barbet d'Aurevilly, intaillé comme un soleil de balafre, très belle formule, ou la face de Jeanne, Le Hardouët, que son amour pour cet aristocrate maudit empourpre au point qu'elle paraît avoir le visage incendié, ainsi que l'écrit Barbet d'Aurevilly. Reste que les figures, au deux sens du terme, de l'ensorcelé risquent de me faire oublier le message, qui est fort explicite, du roman. Si je m'attache à ce message, à présent, ce qui me saute aux yeux, c'est un texte dont l'antimodernité militante bloque la lecture, à l'image des personnages un peu figés dans leur souvenir d'une société d'ancien régime idéalisé. Et la psychologie, aussi bien que le déroulement de l'action, échappe dans ce roman à toute vraisemblance, comme si l'ensemble du récit n'avait pour fonction que de permettre à d'Aurevilly de clamer son exécration tout entière du XIXe siècle. Alors du coup, c'est problématique. Est-ce qu'on est condamné à cette contradiction entre le plaisir romanesque que procure L'Ensorcelé et l'interprétation idéologique qu'il nous offre de son temps, Jean-Louis ? Oui, d'une certaine manière, nous le sommes. Et le meilleur moyen est peut-être dès lors d'embrasser cette contradiction, autrement dit de s'y installer. Et précisément, l'oxymore est la figure rhétorique cette fois-ci, privilégiée de Barbey d'Aurevilly. Or, l'oxymore prend dans l'ensorcelé une forme assez singulière. Lorsqu'elle découvre pour la première fois l'abbé de la Croix-Jugan, qui est présent aux Vêpres, Jeanne est, à ce moment-là, en pleine pénitence, Jeanne Le Hardouet éprouve à son contact un vertige, une sensation sans nom qui est produite par ce visage qui était aussi une chose sans nom. Et elle comprend en effet qu'elle n'est pas elle-même, Jeanne, une âme comme les autres, puisqu'elle est le dernier rejeton d'un vieux chêne normand déraciné. Elle est la femme d'un noble, le seigneur de Feu Ardent. Et voici de quelle manière Barbey d'Aurevilly traduit le choc qui est éprouvé par cette jeune femme. Aux yeux d'une âme faite comme celle de Jeanne, ce prêtre inouï semblait se venger de l'horreur de ses blessures par une physionomie de fierté si sublime qu'on en restait anéanti comme s'il avait été beau. Ce qui m'intéresse, c'est ce « anéanti comme s'il avait été beau », ce prêtre la fascine par sa physionomie dont la monstruosité, les blessures, garantissent le sublime. Il est une sorte de Christ inversé, mort en se suicidant, mais ressuscité afin de porter les stigmates et les souffrances de la monarchie décapitée. Alors bien sûr, Jeanne éprouve toujours un sentiment d'horreur, mais chez cette femme d'action, qui ne s'était jamais consolée d'avoir humilié sa famille, sa race, par sa mésalliance, l'admiration pour ce moine décloîtré par la guerre civile, l'admiration l'emporte sur l'horreur et la change en un enthousiaste, une enthousiaste et noble pitié. Alors on se souvient que chez Aristote, crainte et pitié sont les deux passions que suscite la tragédie, définie comme limitation de personnage et qu'il vise à l'épuration, la catharsis de ses émotions, crainte et pitié. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se demander à quoi tient le choc tragique depuis Aristote. Il tient à la tension née de la rencontre de deux émotions antagonistes. Dans la vie quotidienne, nous éprouvons soit la crainte, soit la pitié, la crainte, mais jamais les deux en même temps. La première, la crainte, consiste à éprouver les effets du malheur de l'intérieur, alors que la seconde, elle consiste à les observer de l'extérieur. Mmh. Dans la tragédie classique, on passe de l'une à l'autre jusqu'à les éprouver simultanément. Et Barbey d'Aurevilly va encore plus loin, il imagine un court-circuit entre ces deux émotions, puisque celle-ci débouche sur cette grandiose messe de Pâques où Satan se manifeste au cœur même du mystère divin, à travers l'image de l'hostie teinte de sang, du sang de l'abbé de la Croix-Jugan qui est tombé juste à côté du calice. Mais alors du coup, en quoi est-ce que cette forme particulière de tragique résout la tension entre la forme et le fond, pour le dire vite, du texte de Barbey d'Aurevilly? C'est le sang qui rend ce roman si paradoxal, si pictural, si fort, qui réunit tous les fils de l'interprétation qu'on peut en faire. C'est le sang bleu qui ne saurait mentir de l'aristocratie qui est réduite à l'impuissance, mais qui proteste à travers le visage des siens. C'est le sang de l'Eucharistie qui est impuissante à sauver la France du crime commis en 1789, la Révolution. C'est elle le sang de la violence politique qui est retombée à l'époque, mais qui n'attend qu'une occasion de ressurgir, comme le voudrait l'abbé de la Croix-Jugan, et qui va ressurgir à différents moments au 19e siècle et d'autres choses encore. Mais le point essentiel, c'est qu'à travers une poétique romanesque qui annonce les romans de Dostoïevski, où les scènes ont une grande importance, transparaissent les contradictions qui sont celles du temps post-révolutionnaire. Tout le 19e siècle est traversé par ces émotions contradictoires qui sont semblables à celles qu'éveille l'abbé de la Croix-Jugan, qui est une sorte de monstre qui tient à la fois du diable et de Dieu. Celui-ci porte sur son visage l'exécration du temps présent et le désir irrépressible d'un retour à une origine mythique contradiction qui va agiter à intervalles réguliers la vie politique de la France. Mais en dépit des déclarations de foi répétitives de Barbey d'Aurevilly, l'ensorcelé n'a rien d'un roman à thèse. Il ne se réduit pas à ça. Son héros, la Croix-Jugan, est à l'opposé de ces héros positifs que suppose le genre du roman à thèse qui va se développer en France avec Bourget ou Barrès. L'abbé, la Croix-Jugan, il est tragique parce qu'il nie l'histoire tout autant que celle-ci le nie, et sans solution de compromis possible. Et le roman s'achève d'ailleurs sur la légende d'une messe éternellement recommencée, jamais achevée par le fantôme de ce prêtre. Cette portion de temps figée, maudit, elle est cette incurable blessure destinée à saigner sans fin que la Révolution a infligée à l'histoire française et qui est désormais écartelée entre ce désir de progrès et cette idéalisation figée d'un passé national, source d'une identité qui serait fatalement derrière nous. Merci beaucoup Jean-Louis Janel pour cette lecture de L'Ensorcelé de Jules Barbey d'Aurevilly. À bientôt. Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Au dernier moment de notre série consacrée à Jules Barbet d'Aurevilly, nous sommes avec l'historienne Judith Lioncamp qui étudie la manière dont on peut saisir quelque chose de l'histoire grâce à la fiction. Elle prend pour ce faire l'exemple de la nouvelle La vengeance d'une femme, dont voici un nouvel extrait. J'ai souvent entendu parler de la hardiesse de la littérature moderne. Mais je n'ai, pour mon compte, jamais cru à cette hardiesse-là. Ce reproche n'est qu'une forfanterie de moralité. La littérature, qu'on a dit si longtemps l'expression de la société, ne l'exprime pas du tout, au contraire. Et quand quelqu'un de plus crâne que les autres a tenté d'être plus hardi, Dieu sait quel cri il a fait pousser. Certainement, si on veut bien y regarder, la littérature n'exprime pas la moitié des crimes que la société commet mystérieusement et impunément tous les jours, avec une fréquence et une facilité charmantes. Demandez à tous les confesseurs qui seraient les plus grands romanciers que le monde aurait eus s'ils pouvaient raconter les histoires qu'on leur coule dans l'oreille au confessionnal. Demandez-leur le nombre d'incestes, par exemple, enterrés dans les familles les plus fières et les plus élevées, et voyez si la littérature, qu'on accuse tant d'immorale hardiesse, a jamais osé les raconter, même pour en effrayer. Alors le début de cette nouvelle, c'est ce qu'on vient d'entendre, Judith Lioncamp, est un petit peu étrange parce qu'on dirait presque un manifeste littéraire. Qu'est-ce que ça vient faire là finalement? Mais c'est une étrangeté. C'est une étrangeté parce que Barbet a donné au recueil des diaboliques une introduction qui est d'ailleurs assez spectaculaire. Donc pourquoi spectaculaire? Qui est une annonce assez tambour battant de grandes émotions littéraires à venir. Donc les six diaboliques, etc. Et alors, les autres textes, évidemment, ne sont pas précédés de nouvelles préfaces. Pourquoi donc a-t-il voulu flanquer cette dernière diabolique de quelque chose qui aurait pu de nouveau être une préface pour l'ensemble du volume? Donc on peut faire des hypothèses. Est-ce que c'est une sorte de projet préfaciel? Elle dit quoi cette préface aussi? Alors, elle annonce donc un projet littéraire d'écriture donc de nouvelles histoires tragiques. Ce sens du tragique dont on vient de parler chez Barbet, qui est très très fort, de nouvelles histoires tragiques, mais qui se seraient attaquées donc au crime de l'extrême civilisation. De ce point de vue, il y a quelque chose qu'on pourrait comparer à un projet qui aurait fait hurler Barbet, évidemment, un projet qui pouvait être l'histoire des Rougon-Macquart chez Zola, qui est contemporaine, puisque c'est aussi une histoire des crimes de l'extrême civilisation, l'histoire des crimes du Second Empire. Mais c'est de tout autre chose qu'il s'agit, donc de ces histoires diaboliques. Donc il y a une étrangeté à avoir voulu mettre au début de cette nouvelle une sorte de il y a quelque chose pour de dissertatoire. Quelqu'un qui ne voulait pas faire l'école, qui n'était inscrit dans aucun cours. Oui, et puis il y a quelque chose d'une dissertation parce que le côté la littérature est-elle l'expression de la société, société est-elle l'expression de la littérature. Bon, ce sont des thèmes qui sont complètement rebattus au 19e siècle d'ailleurs comme aujourd'hui, mais plus encore au 19e siècle. Donc il y a quelque chose. J'ai presque envie de dire d'un peu scolaire dans ce début, qui est un petit peu étrange, voilà, sur lequel je n'ai pas d'interprétation ou d'explication définitive à donner, mais qui donne quelque chose d'un peu déjeté, je dirais, à la nouvelle, et qui décale aussi le moment où le lecteur entre dans l'univers du boulevard de la fin du règne de Louis-Philippe. Et donc il y a aussi quelque chose d'un éloignement dans le temps, je crois, qui est ménagé par cette préface qu'on doit un peu avaler quand même. Enfin, bon, elle fait trois pages, avant d'entrer dans l'univers de la nouvelle. Et donc, vous n'avez pas d'explication particulière sur ce que ça produit, littérairement parlant? J'ai pas d'explication, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu, par ailleurs, dans ce livre, c'est que l'expérience de lecture... C'est pour ça que la nouvelle est dans le livre « La griffe du temps ». J'ai voulu que l'expérience de lecture puisse être partagée par tout lecteur, justement pour ne pas bloquer l'interprétation en disant « moi je sais pourquoi Barbet a donné ». En fait, on ne sait pas pourquoi Barbet a écrit cette préface. Il n'y a pas de lettre qui l'expliquerait, il n'y a pas de mode d'emploi. Bon, donc, on est réduit aux conjectures. Alors, conjecturons. Mais pour conjecturer, il faut pouvoir partager ses conjectures avec ses lecteurs. Donc j'ai voulu que la préface et l'ensemble de la nouvelle soient là dans l'expérience de lecture de mon livre. Il y a des prédécesseurs à votre démarche, Judith Lioncamp. Je rappelle que vous avez souhaité sortir des territoires de l'historien pour partir de la fiction et informer le travail de l'historien, mais vous n'êtes pas tout à fait la première. On pourrait parler par exemple de Gérard Genette, qui dans les années 70 avait un petit peu ouvert une porte dans ce sens. Plus proche de nous, Yvan Jablonka, qui a publié en 2014 l'essai intitulé « L'histoire est une littérature contemporaine ». Et puis il y a une autre historienne dont vous parlez dans votre essai, elle s'appelle Adeline Domar. Et elle avait travaillé justement sur Balzac, ce qui est d'autant plus intéressant, considérant ce qu'on a dit sur finalement la filiation revendiquée par Barré de Hévilly à propos de Balzac. Alors elle est partie finalement à la fois de sources qui sont des sources d'historiens, des sources notariales, mais aussi des romans de Balzac et en particulier de Pierrette. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Alors en fait, Adeline Domar, elle n'a pas travaillé sur Balzac. Elle était dans une perspective d'histoire sociale, comme on faisait beaucoup donc dans les années 60. Elle a constitué de très importantes bases de données sur les fortunes de la bourgeoisie parisienne dans ces années 1830-1840. Et l'essentiel pour un historien, quand il travaille sur ces questions-là, ce sont effectivement les archives notariales qui nous donnent des informations très importantes sur la composition des fortunes et sur leur niveau de fortune. Mais chez cette historienne très classique, qui était Adeline Domar, de temps en temps... Une historienne du XXe. Voilà, donc qui écrit dans les années 1960. Chez cette historienne très classique, qui était Adeline Domar, soucieuse de documenter, pour le coup, avec une très grande précision, la reconstitution exhaustive qu'elle donne des fortunes bourgeoises parisiennes dans la première moitié du XIXe siècle, de temps en temps, elle va chercher chez Balzac un exemple, une illustration, comme si Balzac était au fond un document de même nature que les sources notariées sur lesquelles elle travaille. Alors ça m'a intéressée, intriguée, évidemment. On imagine parce que les historiens de l'époque lui sont alors, aussi tombés dessus. Évidemment, on commence par avoir envie de lui tomber dessus en lui disant, enfin vraiment, écoutez, vous êtes vraiment une historienne un peu, disons... Fantasque soit fantasque, soit... Alors ça, c'est une version... Les historiens vont dire, vous êtes fantasque, et puis le littéraire va dire, enfin écoutez, on ne peut pas utiliser Balzac comme une source notariée, vous savez, c'est de la fiction, c'est de la recréation, c'est de la figuration, etc., etc. Bon. Donc, il y a une première tendance qui est d'aller dire « bon, bah, c'est un peu n'importe quoi ». En même temps, j'avais beaucoup travaillé avant sur les lectures dont Balzac avait été l'objet en son temps, par ses lecteurs contemporains. Et le fait de trouver chez Balzac une vérité, éventuellement une exactitude sur la description du social, c'est la réception de Balzac au moment où il est publié. Donc, d'une certaine manière... Adeline Domar, historienne des fortunes bourgeoises du XIXe siècle au XXe siècle, était très proche de la manière dont les lecteurs de Balzac pouvaient lire Balzac en 1830 et en 1840. Aussi parce que la place de la littérature à l'époque était sans doute plus importante qu'aujourd'hui. Donc elle retrouvait quelque chose dans sa manière d'aller chercher chez Balzac des informations, un geste de lecture qui, au fond, méritait d'être rapproché de celui des lecteurs et des lectrices du XIXe siècle. Mais... il y a quand même ce que j'ai appelé chez elle, ce que j'appelle l'effet Rogron, parce que elle va chercher. Rogron, c'est le nom d'un personnage. Elle va chercher un personnage dans Pierrette, et elle le compare à des personnages, enfin, des personnes réelles qu'elle trouve dans les archives notariées, et puis elle les traite de la même manière. C'est-à-dire, cette capacité de la littérature à transmettre quelque chose d'une vérité de l'expérience sociale. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Judith Lyon-Camp, je voudrais qu'on termine cette émission en revenant un petit peu sur Barbé d'Aurevilly lui-même, pour essayer de remettre finalement cet homme dans son contexte historique. On a déjà commencé à aborder un petit peu cette question tout à l'heure, mais on peut, je pense, la creuser encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont la vie de Barbé d'Aurevilly va informer à la fois ce qu'il met dans son texte et aussi peut-être directement l'historienne que vous êtes. J'ai essayé de prendre l'objet, la vengeance d'une femme, comme un objet pour faire une histoire, disons, totale. C'est un tout petit objet, mais on peut faire de l'histoire totale avec des très petits objets. Et donc, c'est un petit morceau de littérature. Et pour le regarder comme un petit morceau de littérature en son temps, c'est-à-dire au moment où il est publié, en 1874, il fallait aussi regarder qui était l'auteur et le nom d'auteur qui le portait. Donc j'ai effectivement essayé de montrer ce que c'était que cet auteur, Jules Barbé d'Aurevilly, dans le moment où il publie Les Diaboliques. Ce qu'il représente. Ce qu'il représente, parce que ce qui est intéressant chez Barbé, indépendamment de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le discours idéologique qui est fortement articulé à l'intérieur de ses écrits, polémique ou de ses romans, c'est que dans sa posture, dans sa manière de se donner à voir, dans ses usages de l'image, de la photographie, dans la manière dont on parle de lui dans la presse, tout en lui raconte le type de littérature qu'il veut faire, c'est-à-dire une littérature décalée, un romantique tardif, un dandy d'un temps où il n'y a plus de dandy. Donc il s'habille en 1870, comme on s'habillait en 1830. Alors, il assume le ridicule, parce que cet accoutrement, ça n'est pas seulement une sorte de fantaisie, mais c'est sa littérature elle-même. C'est-à-dire, c'est sa manière de continuer à travailler à l'intérieur de la modernité balzacienne en 1870. Donc ce dernier des romantiques qu'il a voulu être, il l'a manifesté dans son écriture fortement et dans son mode d'être comme écrivain au monde dans lequel il vivait. Donc il est lui-même une griffe du temps, si l'on peut dire. Il est griffé de temps, et d'ailleurs la métaphore me vient de lui, hein, c'est pas du tout il est les physionomies de ces personnages sont griffées par le temps, on l'entendait tout à l'heure en entendant parler Jean-Louis Janel de l'ensorcelé, griffé par l'histoire. Il est intéressé par des personnages qui sont que l'histoire pétrit. Et sa manière de se donner à voir dans l'espace public, à un moment où les écrivains sont très regardés, c'est le moment de l'essor de la photographie d'écrivains, etc., c'est de se donner à voir lui-même comme pétri par le temps de la littérature à l'intérieur duquel il travaille. Parce que ce qu'il écrit est intimement lié à la situation politique. Est-ce que vous êtes allé chercher aussi, du coup, dans tous les articles critiques, toutes les prises de position du journaliste Barbé d'Aurevilly pour informer votre travail, Judith Lyon-Camp? Alors, j'ai beaucoup lu ce qui a été publié ensuite sous le titre « Les œuvres et les hommes », donc qui sont les recueils de ces articles critiques qu'il publie entre les années 50 et les années 80, puisqu'il a écrit constamment dans la presse. Voilà, qu'on peut lire d'ailleurs, je dis au passage, aux belles lettres sous la direction de Pierre Claude qu'on recevait mardi. Donc qui republie avec une édition très soigneuse ces articles polémiques. Donc il y a cette dimension de polémiste qui est très forte chez Barbé. Et puis, il y a le moment où les diaboliques paraissent et qui font scandale. Donc, il y a énormément d'articles aussi dans la presse à ce moment-là, puisque les diaboliques, mais vous l'avez sans doute rappelé déjà, ont été saisies et interdites avant d'être republiées en 1882. Donc, effectivement, pour restituer l'écrivain et le geste littéraire de Barbé d'Aurevilly, il fallait regarder dans l'ensemble de son écriture polémique et aussi dans ce que son écriture littéraire a suscité dans la presse. Même si, à la fin, c'est vraiment un écrivain, Jules Barbé d'Aurevilly, il a choisi la littérature avant tout, et il a vécu vraiment dans la littérature bien davantage finalement que dans son rapport au monde. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que on est vraiment dans le fantasme, et c'est le fantasme de cette époque que vous étudiez en historienne. Vous avez choisi un écrivain du fantasme qui vit lui-même dans une sorte de fantasme. Et donc on est très loin, justement. C'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire comme historienne du phénomène littéraire, c'était de m'atteler à un écrivain et un type d'écriture qui ne cesse d'être un discours sur ce que la littérature est, peut et doit être, plutôt que de travailler sur des écrivains qui seraient, disons, qui essaieraient de dire qu'ils font aussi autre chose que de la littérature. Chez Barbet, on est dans la littérature superlative, je dirais. On est dans la littérature tout le temps et partout. On est même dans la littérature dans les manuscrits. J'ai travaillé sur les manuscrits. Dans la correspondance. Dans la correspondance, dans les manuscrits. Ces manuscrits eux-mêmes sont des manuscrits qui sont tout enluminés de littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brouillon chez Barbet. La littérature se manifeste déjà dans le geste d'écriture, dans les encres multicolores, ce qu'il appelle ses opales Zarlequine. Donc la littérature est partout et de ce fait, au lieu d'échapper à l'histoire, elle peut se donner comme objet à étudier en tant que moment d'histoire de ce qu'a été la littérature, le phénomène littérature au XIXe siècle. Merci beaucoup Judith Lioncamp. Je rappelle que vous êtes directrice d'études et maîtresse de conférences à l'EHESS, spécialiste des liens entre littérature et histoire. Vous venez donc de publier cet essai dont on parlait aujourd'hui, La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature. C'est chez Gallimard. On vous doit également l'édition des romans de Jules Barbet d'Aurevilly en quarto, aussi chez Gallimard, ça date de 2013. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Anthony Thomasson. Demain, vous retrouvez La Compagnie des poètes, ce sera avec Manou Farine. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé pour ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous sommes pleins de regrets cette semaine et nous aimons ça. C'est de Pierre Vinclair que nous tirons les premières plainte dans le livre Sans adresse. Écrire en vers rimé de maître régulier, c'est difficile. Plus difficile est encore de trouver la musique hors de l'alexandrin. L'œuvre des avant-gardes autoproclamées n'est rien que théorique, bien exemplifiant des thèses, le vomi qui coule sur la page en proportion inverse au travail nécessaire, garantie quantité d'épigones, souvent. Je ne sais, Condélo, si retrouvant nos livres, on dira de Nozick, ils furent bons poètes, ils ont su inventer quelque chose de beau. Je cherche la musique, et lorsqu'elle m'échappe, comme aujourd'hui, j'essaie quand même à emprunter celle de Dubellay ou de Robert Marteau. C'est Dubellay qui lui répond par-delà les époques dans Les Antiquités de Rome. Nouveau venu qui cherche Rome en Rome, et rien de Rome en Rome n'aperçoit, ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine, et comme celle qui mit le monde sous ses lois, pour dompter tout se dompta quelquefois, et devint proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument, et Rome, Rome a vaincu seulement. Le Tibre seul qui vers la mer s'enfuit reste de Rome. Ô mondaine inconstance, ce qui est ferme est par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance. Pierre Vinclair, autre exilé dans l'espace, lui répond que Shanghai soit pollué, les gardiens de l'immeuble ou non fument leurs clopes en face de l'entrée. Dans les jardins, les vieux font du tai chi, des mains se frictionnent, Shanghai persévère en Shanghai. Au lieu d'aller courir, je vais me promener dans les odeurs de pneus, de ciment brûlé, d'huile, de voiture, en cherchant des rythmes pour mes frères, mes vers, tourner quatrains purificateurs d'air. Dans les rues vides, je traverse le matin d'hiver, où tout peut avoir lieu dans la lumière. Certes, ocre, la pollution adoucit tout, engourdit tout, avant l'explosion d'un autre printemps, tout de cette vie semble ouvert. So what? Les moteurs en ronflant redoublent le silence. Un autre texte de Pierre Vinclair. Si tu me demandais s'il est une recette pour qu'un texte fût bon, je te dirais bien sûr non. Mais si ta requête a trait à la façon dont un poème plaît, je dirais attention, celui qui imagine et imitant l'image de ce qu'il voudrait être, arpente le trottoir, putain, échoue, crevard, à éveiller l'amour, car être beau, c'est persévérer dans son être. Cultive le poème ainsi qu'un arbre étrange, aide-le à pousser sans savoir vers quel fruit portera son branchage, oublie les manifestes et le grillage industriel qui protégeait jadis la graine. Un jour, Manu, le tronc puissant donnera sa beauté de nouvelle évidence. Jacques Bonafé, merci pour ces lectures du recueil Sans adresse de Pierre Vinclair qui se place dans la lignée de Dubélé.